ce jardin durant la nuit. Une voix au loin me dit, viens ici. Souffle du vent, murmure des vagues, et tout cet amour ancré comme un tag. Sous ce ciel bleu, sous les nuages, le vent m'aide à tourner les pages. Et dans l'écho, je te revois, et je t'entends sous chaque pas. Le jardin d'Éden ne m'apaise pas, et chaque peine fait sentir son poids. Je visais la lune pour oublier, après chaque dune une autre apparaît. Brume légère des fines gouttes, dans les airs s'agitent quelques doutes. Silhouette me tend la main, je ne veux pas que j'aille plus loin. Mais c'est assez, le temps s'arrête. Plus de regrets, plus de défaites. Dans la pénombre, une lueur, une lumière qui fait fuir les peurs. Le jardin d'Éden ne m'apaise pas, chaque peine fait sentir son poids. Je vise la lune pour oublier, après chaque dune une autre apparaît. Cette aurore errant la nuit, c'est après la mort que vient la vie. Je t'attendrai dans mes sommeils, on ira voir toutes ces merveilles. Jardin d'Éden ne m'apaise pas, chaque paix fait sentir son poids. Je vise la lune pour oublier, après chaque dune.